Robert est à Paris depuis la veille. En ce moment, il est 10 heures du matin. Il sort de son hôtel et va explorer le quartier latin. Robert est à Paris depuis la veille. Depuis la veille. Robert est à Paris depuis la veille. Où est Robert? À Paris. Depuis quand? Depuis la veille. Il est 10 heures du matin. Il est 10 heures du matin. Quelle heure est-il en ce moment? Dix heures du matin. Il sort de son hôtel. Et il va explorer le quartier latin. Il va explorer le quartier latin. Que fait Robert? Il sort de son hôtel et va explorer le quartier latin. Un jeune homme se promène dans le jardin du Luxembourg. Il a l'air de s'ennuyer. Il remarque une très jolie jupe rouge sur une chaise verte. Il s'approche. La jeune fille qui porte la jupe rouge fait semblant de ne pas le voir. Elle lève les yeux. Ils sont très bleus. Son regard se perd dans la contemplation du ciel, qui est très bleu aussi. Un jeune homme se promène dans le jardin du Luxembourg. Un jeune homme se promène. Il a l'air de s'ennuyer. Il a l'air de s'ennuyer. Est-ce que le jeune homme qui se promène au Luxembourg a l'air de trouver ça intéressant? Non, il a l'air de s'ennuyer. Il remarque une très jolie jupe rouge. Il remarque une très jolie jupe rouge. Une jupe rouge sur une chaise verte, sur une chaise verte. Qu'est-ce qu'il remarque? Une très jolie jupe rouge sur une chaise verte. La jeune fille qui porte la jupe rouge fait semblant de ne pas le voir. Elle fait semblant de ne pas le voir. Elle fait semblant de ne pas le voir. La jeune fille qui porte la jupe rouge fait semblant de ne pas le voir. Que fait la jeune fille quand il s'approche d'elle? Elle fait semblant de ne pas le voir. La jeune fille lève les yeux. Elle lève les yeux. Qu'est-ce qu'elle fait pour faire semblant de ne pas le voir? Elle lève les yeux.